Yo, yo, pas sûr d'être comprendre ma bête qui est tout lié un jour. Passe-moi ça, c'est où qu'a folle et bergé moun. Touille. Yo qu'a levé plein minuit, mou gade qui manye yo qui aille voler bagay moun. Pas besoin péter physique, ma rappelle à prier moi pour faire yo payer tout, ma qu'a forcé. Lever les beaux matins, ma qu'a forcé. Chercher un salaire tous les jours, ma qu'a forcé. Pour taper sa manie, en mange à forcé. Et quand moi you les fait voler, ma qu'a forcé. Lever les beaux matins, ma qu'a forcé. Chercher un salaire tous les jours, ma qu'a forcé. Pour taper sa manie, en mange à forcé. Et quand moi you les fait voler. La maman toujours dit, moi faut de mon travail pour ni. M'en toujours garder goût, mais pour m'en pas fin tout ni. M'en qu'a lever tellement tôt, m'en qu'a aille travail tout ni. Ou aimer bien mal acquis, mais yo qui bat au bougie. Ou pas qu'a ouais, mais souffle, y'en travaille là la journée. Mais m'en ouais, ou qu'a ouais, clé pour je lui vite son brin. Ka di man ka carré pour justifier jalousie ou pas ka fucking dico comment ka travail pour la vie man ka forcé lever les beaux matins man ka forcé chercher un salaire tous les jours man ka forcé pour taper sa manie en mange à forcé et quand moi you les fait voler man ka forcé lever les beaux matins man ka forcé chercher un salaire tous les jours man ka forcé pour taper sa manie en mange à forcé et quand moi you les fait voler man bagay moun mi c'est ça yo ka fait tous les jours des respect. C'est tout travail la vie moun. Ou ka fè si ok you et qu'en trou. Le you ka volé bagay moun. Nous c'est dit imbécile. Pa ba la peau de jelou l'an même en manke sali. Ou si moun pa vu pa pri. Mais quoi men quand you a pri. Ou ka si men souffrance. Ou comprenne que ça gratuit. A demain. Man ka forcé. Lever les beaux matins. Man ka forcé. Chercher un salaire tous les jours. Man ka forcé. Pour taper sa manie en mange à forcé. Et quand moi you les fait voler. Man ka forcé. Lever les beaux matins. Man ka forcé. Chercher un salaire tous les jours. Man ka forcé. Pour taper sa manie en mange à forcé. Et quand moi you les fait voler. La vie a même ni un sens qu'à aller. Spiritualité. Mes créants qui peuvent savent. Ça certains yo qui savent.